Lundi 16h56. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Le petit rappel sur le programme. Ah oui. Le petit rappel sur le programme, mais il y a quoi à dire? Oui, on commence à 10h le matin, je vous rappelle. Oui. C'est sûr, c'est un film. Ce soir, il y aura le documentaire qu'on n'a pas vu hier, là, Wesman, qui est une enquête en anglais, sous-titrée en anglais, sur une épave de poule en gaz et batterie. Et puis on voit, ça dénonce la manière dont les producteurs le vont après au supermarché avec les interviews, etc. Un quart d'heure, 20 minutes, mais pas plus. Et puis il y a un film, le film de ce soir, qui est très très long, on ne va pas tout regarder. Ça dure 3 heures, on mettra le début, puis on arrêtera comme on veut. Sur ça s'appelle Un siècle de lutte non violente, c'est sur les mouvements d'indépendance ou de libération en Afrique du Sud contre l'apartheid. En Inde, contre les nazis au Danemark, en Pologne, dans les années 80, au Chili, etc. Avec des documents d'époque, et puis des commentaires, des interviews. Et demain matin, à 10h, c'est David sur l'antispécisme est-il révolutionnaire. Et l'après-midi, à 16h, atelier argumentaire antispéciste lancé par Yves. Et le soir, peut-être un peu fête. Ouais, il y en a qui veulent faire des jeux, mais ça risque d'être chiant. Moi, je proposais plutôt une soirée dansante. Donc, on va jouer au loup-garou, qui est un jeu. Je crois que pour mon mentor, ça va être peut-être le loup-garou. Voilà. Eh bien, que la fête. Que les jeux? Non, les jeux sont faits. Ah si, est-ce que si ce qu'on peut discuter, c'est qui, comment, quand s'occupe de la bouffe de ce soir? Je veux bien y participer, mais je suis incapable de. Encore? Moi, je peux faire du taboulé, si vous voulez. J'occupe du taboulé. Et les saucisses Veggie Wave, en fait, il y a un gros paquet qui est arrivé ici au nom de Céline. Céline, j'avais oublié de lui dire. Donc, ils ont cru que c'était un cadeau de quelqu'un pour eux. Non, ils se sont doutés, en fait. Donc, c'est stocké au frigo, mais Céline m'a dit, tu crois que je pourrais en avoir un peu? Alors j'ai dit oui. Trop gentil. Voilà. Et en tout cas, c'est stocké dans leur frigo. C'est pas stocké dans leur frigo, je l'ai embarqué, c'est dans la glacière en bas, et d'ailleurs on a commencé à en bouffer. Non. C'est un peu tu te rends compte, mais... Non. Oui, s'il y a des frais... Oui, ben le tarif total, je ne me rappelle plus combien c'était, mais je dirais, mais j'en paye la moitié, comme l'année dernière. Parce que c'est des trucs un peu chers, je vais pas imposer aux gens de... D'accord. Ah, c'est bien ça, comme système. Ouais. Merci, Nabine. Alors, on peut me dire merci, oui. Merci. Ça enregistre en plus, hein. Non, ça va, non, pour cette fois-ci, ça va. Donc, on mange mal ce soir. Non, il y a le cake. Ça fait plaisir. Il y a le cake, les épices et le gingembre. Et donc, j'étais pas là, mais on a dit qu'on passe sur la mise en course parce que nous, non, bah, c'est des teams chercher les gens à l'époque. Ouais, et vous me direz combien ça fait. Et vous me direz merci. Oui, alors ça va vous rembourser aussi, hein. Non, merci, ça ne suffit pas. Bon, ben, c'est Antoine qui a été désigné pour présenter. Oui, parce que c'est collectif, je crois qu'on a mis les chaises en rond, hein. Mais bon, pour lancer un petit peu les discussions sur le thème, sur campagne pour l'abolition de la viande. Pour rappeler ou expliquer pour ceux qui n'ont pas déjà entendu parler un peu ce dont il s'agit, l'idée de dire qu'on veut abolir la viande, ce n'est pas nécessairement nouveau en soi pour ceux qui militent depuis de nombreuses années dans le mouvement, mais l'année dernière aux Estivales, il y a eu une présentation que j'avais faite sur le thème de l'abolition de l'esclavage des humains, du moins de l'interdiction légale de mettre des humains en esclavage. Et ça avait donné lieu à des discussions sur le parallèle avec l'idée de l'abolition de la viande, quoi, ou de l'abolition de l'esclavage des animaux. Il y avait des parallèles de fait, mais en tout cas, ça a amené à dire qu'il y avait une campagne pour l'abolition de la viande à définir, à lancer, à initier, un certain nombre de choses à faire sur ce thème-là pour des raisons qui ont semblé à beaucoup de gens très importantes et que ça pouvait faire une très grosse différence par rapport à la manière dont le combat aujourd'hui était mené sur la liste, sur le mouvement animaliste en général et sur la question du végétarisme et des animaux d'élevage en particulier. Donc c'est l'objet dont on va discuter. Et en particulier, un thème qui va, je pense, revenir pas mal dans la discussion, c'est sur la différence entre agir au niveau individuel sur influencer les pratiques de consommation des gens, leur dire d'arrêter de manger tel type d'aliment ou d'arrêter de manger de la viande, et puis une façon d'aborder la question au niveau politique et de dire on demande en tant que citoyen, et pas en tant que consommateur, mais en tant que citoyen à la société, dans l'ensemble des gens. Nous sommes qui vivons ensemble, d'interdire telle ou telle pratique, en l'occurrence tout ce qui amène à produire de la viande et tout ce que ça implique, de la même manière que, pour entendre parler avec l'esclavage, les activistes au 18e, 19e siècle qui ont œuvré pour l'abolition de l'esclavage, demandaient certes à leurs voisins de palier d'arrêter de manger du sucre issu de la production des plantations des Caraïbes. Et il y avait en Angleterre 300 000 personnes qui boycottaient, qui étaient végétariens du sucre pour les questions d'esclavage. Mais ils demandaient surtout que les gens soutiennent l'interdiction de l'esclavage de manière à ce que ça finisse par être voté et décidé dans les parlements des différents pays, ce qui a finalement été le cas. Et le parallèle avait été fait aussi par rapport au fait que ce sont des luttes qui ont évidemment duré très longtemps, ça s'étale sur des décennies, on peut même considérer que ça s'étale sur des siècles. En même temps, c'est pas non plus quelque chose qui est un but vers lequel on tend, mais qu'on pense jamais atteindre. C'est-à-dire que moi, c'est ce qui m'avait marqué en tout cas, c'est que je pense que beaucoup de militants pour les animaux qui militent, y compris pour le végétarisme, ne voient pas vraiment possible d'abolir la viande en fait, quoi. Ils croient comme un truc un peu abstrait, mais qui ne se passera jamais ou dans plusieurs millénaires, enfin tout qui paraît. Et qu'à partir du moment où on commence à parler d'abolition de la viande comme une résolution, une interdiction, comme on parle de l'abolition de la corrida ou du foie gras, ça change la perception, y compris des militants. Et que du coup on ne s'adresse plus de la même manière aux gens qu'on veut convaincre du bien fondé de ce qu'on croit, c'est-à-dire qu'au lieu de s'adresser à eux principalement comme des consommateurs à qui on dit de changer leurs habitudes, non seulement d'achat, mais il n'y a pas que ça, la viande c'est beaucoup plus que les quelques minutes qu'on passe au supermarché dans le rayon, c'est bien plus que ça, on s'adresse plus tant à eux en tant que consommateurs de changer leur pratique, mais aussi en tant que citoyens et de soutenir une résolution politique, soutenir, sans nécessairement eux-mêmes avoir forcément arrêté de manger de la viande ou toute forme de viande à ce moment-là ou tout produit animaux. Et que donc, la thèse qui est un peu aussi derrière tout ça, c'est que moi je suis convaincu, et d'autres personnes aussi, qu'il y a bien plus de gens qui sont prêts à soutenir l'idée que la viande c'est quelque chose dont il faudrait se passer, qu'il faudrait qu'on arrête, mais qu'on, en tant que société, qu'on arrête de faire ça, que de gens qui sont capables, prêts à arrêter effectivement eux-mêmes d'en consommer maintenant. Mais que des gens qui peuvent soutenir, une campagne d'abolition de la viande peuvent néanmoins pas être pour autant 100% végétariens dans leur pratique, quoi. Et qu'on peut faire progresser le mouvement aussi de cette manière-là, c'est-à-dire de faire faire progresser les idées, faire changer les idées, les faire évoluer, et en plus de tenter de faire changer les pratiques, quoi. Et puis le dernier point que je dirais, avant qu'on passe à la discussion, peut-être plus, enfin, deux points, il y a le fait que abolir la viande, ça paraît d'un certain côté énorme, Et puis en même temps, c'est bien moins que ce que beaucoup d'entre nous dans le mouvement souhaitons faire. Quand on dit qu'on veut abolir le spécisme, par exemple, ou qu'on parle d'égalité animale, c'est autrement plus ambitieux d'abolir simplement la viande, quoi. Et donc c'est aussi ce constat que quand on a aboli l'esclavage légal des humains, on n'a pas aboli le racisme pour autant, loin de là, ou que quand on a le droit de vote pour les femmes, ça n'a pas aboli le sexisme pour autant. Et donc la viande, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait abolir la viande sans nécessairement avoir aboli le spécisme dans le même mouvement, bien évidemment que l'un est lié à l'autre. Et pour beaucoup d'entre nous, ce qui motive à l'idée d'abolir la viande, c'est aussi que ça fait progresser vers l'abolition du spécisme et vers l'égalité animale, mais ce n'est pas nécessairement le cas de tout le monde, et qu'on peut avoir l'un sans l'autre. Voilà, donc le dernier point, c'est pour dire quelques... Donc suite à des discussions qu'il y a eu l'année dernière, il y a une liste de discussions sur Internet qui a été ouverte sur Yahoo, qui s'appelle Abolition Groupe sur Yahoo. Je vais pouvoir donner après, juste après à l'écran là, l'URL exactement pour ceux qui veulent s'y inscrire, dont le but est de réunir les gens qui veulent discuter cette campagne d'abolition de la viande, d'y œuvrer. Donc cette liste a été active pendant quelques mois, quelques semaines, disons à l'automne dernier, ça s'est endormi depuis pour diverses raisons, mais ça, on a le premier travail qui a été réalisé sur cette liste, ça a été de d'écrire une résolution d'abolition de la viande, que je vais vous mettre à l'écran qu'on va lire juste après, qui définit pourquoi on pense qu'il faut l'abolir, en quelques mots. Juste avant, je voulais dire aussi que il y a eu souvent du malentendu par rapport à ce que c'est qu'une campagne pour l'abolition de la viande. Déjà qu'on dit une campagne, est-ce que ça veut dire qu'il y a une association qui gère cette campagne, ou des gens, un groupe de gens qui dirigent cette campagne ou autre? Donc là, il y avait un tout petit email qu'avait envoyé Yves, je crois, sur cette liste-là, qui résumait bien ce que je voulais dire à ce propos. Alors je vais le lire, c'est plus simple. Pour dire que non, c'est pas ce que je viens de dire, c'est pas l'idée d'une asso, dans les mots de Yves, il faut considérer la chose ainsi, il me semble, une campagne qui n'appartient à personne, qui est un mot d'ordre et non une organisation, qui est un mouvement fédérateur, pas une fédération, qui est un objectif vers lequel conjoindre des efforts sans abandonner les spécificités de nos luttes. Donc ça, je pense que c'est important, c'est-à-dire que là, dans la discussion, je pense qu'il faut vraiment distinguer des choses qui peuvent être faites au niveau individuel, ou de collectif, ou d'assaut, qui peuvent contribuer à ça, mais qui ne sont pas nécessairement, on n'est pas tous d'accord sur la manière de faire, ni même sur les idées qui peuvent pousser à faire telle ou telle initiative, quoi. Ce que je cherche à faire, par contre, c'est de promouvoir, et à un niveau mondial, et il y a déjà eu pas mal d'initiatives grâce au fabuleux réseau que Yves a dans différents pays, de personnes qui sont en Amérique du Sud et dans quelques pays d'Europe, des gens intéressés qui ont commencé à traduire la résolution et d'autres textes, pour qu'on donne aussi tout de suite un affichage mondial, international à cette campagne, comme c'était le cas de la campagne d'abolition de l'esclavage des humains. C'était perçu et vu comme une campagne mondiale de gens qui œuvraient ensemble dans les divers pays à faire avancer ça et qui étaient en communication entre eux de manière très, très étroite, malgré les moyens limités de l'époque. Pour terminer, je mets à l'écran et je vais lire la résolution qui a été écrite. Après, on passera à une discussion plus ouverte. Faut que je branche. C'est un texte très court. Ça dit « Parce que la production de viande implique de tuer les animaux que l'on mange, parce que nombre d'entre eux souffrent de leurs conditions de vie et de mise à mort, parce que la consommation de viande n'est pas une nécessité, une alimentation saine sans chair animale étant ou pouvant être disponible en quantité suffisante, parce que les êtres sensibles ne doivent pas être maltraités ou tués sans nécessité, l'élevage, la pêche et la chasse des animaux pour leur chair, ainsi que l'importation, la vente et la consommation de chair animale doivent être abolies. » C'est un texte assez court. qui résumait ce qu'on pensait être les raisons justifiant l'abolition de la viande. Voilà. Je vais pas venir à l'écran. Voilà ce que j'avais à dire de manière générale. C'est, ce texte-là, il a été élaboré en ayant à l'idée de chercher d'argumenter les raisons de l'abolition de la viande sur des raisons qui sont partagées par absolument tout le monde, que personne ne pourra. Bon, le fait de s'inscrire dans la loi qu'il ne faut pas maltraiter ni tuer un animal sans nécessité, par exemple, etc. etc. C'est des trucs qui se retrouvent dans tous les pays. Et en fait, tous les parce que sont des, ont été pesés pour être absolument inattaquables à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a une revendication qui n'est pas une revendication antispéciste, par exemple, c'est pas une revendication d'égalité, mais c'est une revendication qui est point par point extrêmement forte, parce qu'elle est quasiment incontestable. C'est dommage qu'on puisse pas l'avoir à l'écran pour la voir. Oui, tout à fait. Au tout début, l'idée initiale, c'est une idée de Antoine, hein, au départ. Cette idée de campagne pour l'abolition de la viande, c'était en fait au départ l'idée d'une campagne pour l'abolition du meurtre des animaux. Et en fait, au cours des discussions, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus compliqué de mettre en place quelque chose qui soit fédérateur sur un thème aussi large que le meurtre des animaux. Parce qu'il y a des meurtres pour 100 000 raisons. On tue les moustiques, par exemple, qui sont des animaux. On va tuer les loups qui tuent les brebis, ou enfin je sais pas, mais enfin, bon, ça il y avait énormément de points extrêmement différents qui étaient l'expérimentation animale, etc. Enfin, ça devenait un truc énorme en fait. Et du coup, en concentrant sur la question de la viande, quelque part c'est complètement arbitraire, mais en même temps ça fait un but politique précis. Argumenter d'une façon précise, qui est tenable, de façon solide, et qui est effectivement, c'est très difficile de ne pas s'y rallier, quoi. Et en même temps, ça ne vous empêche pas de lancer d'autres campagnes sur d'autres thèmes différents et de les mener en parallèle. Et après, chacun du public choisit le thème qui le touche le plus, enfin le ou les thèmes qui le touchent le plus. Tout à fait. C'est comme ça que procède beaucoup de partis politiques ou de SOS. Comment elle se positionne ça les place face, c'est très intéressant, parce que ça les place face à ça. Parce que l'argumentaire de base, elles peuvent très difficilement le contester. Et donc ça les met face à une logique et qu'elles vont avoir du mal à éviter des discussions internes et des... Sur... Ouais. Et là, vous êtes au stade où vous avez écrit le texte et vous avez imprimé des prospectus sur le texte ? Non. Pour l'instant, il y a eu... Le travail qui a été fait, d'abord c'est essentiellement Antoine, le travail de rédaction de ce petit texte-là, c'est un travail collectif qui a engagé, je ne sais pas, peut-être une trentaine de personnes. Et sinon, Antoine a pondu des textes qui ont été mis sur un blog, qui ont été traduits déjà en quelques langues, qui sont des textes à l'appui de cette déclaration-là. Il y en a un qui fait le parallèle avec la campagne, tu t'en parleras mieux de toute façon. Oui, là qui fait parallèle avec la campagne pour l'abolition de l'esclavage en Angleterre, un autre qui rappelle le pourcentage de Français qui réprouvent le meurtre des animaux en général, qui disent qu'il ne faut pas tuer les animaux sans hésiter, et dans des pratiques particulières, est-il normal de tuer les animaux pour les manger, etc. Et on se rend compte qu'il y a bien plus de gens qui disent qu'il ne faut pas tuer les animaux pour les manger que de végétariens. Qui pensent que c'est qu'il ne faut pas tuer, que ça pose un problème. Est-il normal de tuer les animaux pour les manger? C'est 14%, 14% voilà, des Français qui disent déjà non, ça ne paraît pas normal. Quoi. Ce sont des gens qui mangent les animaux. Il y a un deuxième texte là-dessus, un troisième sur un autre texte que j'ai vu. Mais c'est à la limite, je dirais déjà un peu un travail ou mon point de vue sur la question, des choses que j'ai écrites qui peuvent aider à un petit peu faire circuler les idées comme on en parlait au début. Mais ça n'a pas vocation à être quelque chose de fédérateur. Voilà, c'est un texte parmi d'autres que comme n'importe qui peut en écrire pour justifier. Pourquoi cette résolution et cette campagne nous paraît légitime et qu'il la soutient. Après, pour moi, c'est chacun, à son niveau individuel, groupe, collectif, association, de s'approprier cette revendication comme... pour prendre le parallèle avec le foie gras, je pense que c'est une bonne manière de faire le parallèle. Il y a une sorte, pour moi, de mouvement mondial pour l'abolition du foie gras, mais en fait, dans pas mal de pays, des interdictions qui ont été édictées, et des mouvements aux États-Unis ou en Europe qui sont actifs, ça ne relève pas de quelque chose d'unique, avec une vision unique du problème, et chacun qui apporte son point de vue sur pourquoi est-ce qu'on devrait abolir ce truc-là. Quoi. Donc pour la viande, pour moi, c'est la même chose. Voilà, donc, j'imagine moi qu'il y a dans les choses communes, c'est néanmoins des lieux d'échange, quoi. C'est-à-dire des listes de discussion sur Internet, par exemple, des rencontres spécifiques sur cette question organisée au niveau français, au niveau international, ça peut parler de soi. Et voilà, après... j'ai l'impression que des choses. Chacun peut apporter ensuite sa pierre à l'édifice commun qui est un objectif commun. Quoi. Mais je ne vois pas de choses nécessairement communes à construire d'une manière globale avec tous les gens qui sont d'accord avec cet objectif. Quoi. C'est plutôt, j'ai l'impression, comme on disait à l'instant, l'intérêt de forcer des gens, des associations, des groupes à se positionner par rapport à ça, y réfléchir, à en discuter entre eux, ce qui fait avancer la question, puisque. Et qu'on discute de ça, moi je pense que ça avance dans le bon sens, et le problème c'est de pas en discuter. En bas, les clients que vous avez mis, les perspectives que vous avez mis, elles apparaissent sur l'abolition de la viande. Pourquoi refuser de manger de la viande? D'accord. Oui, mais il s'adresse à des individus, pourquoi refuser, pourquoi vous devriez refuser de manger de la viande? Et ensuite, dans la conclusion, bon, il y a des arguments éthiques, et il y a aussi un petit truc sur le fait que c'est important de lutter pour changer la société à ce niveau-là. Mais ce n'est pas centré sur une exigence d'emblée politique de changer cette société, parce que ça revient à ça. Là, le mouvement, cette campagne-là, c'est comme une campagne contre l'esclavage. Quoi. Pour reprendre là-dessus, l'année dernière, quand Antoine a commencé à parler de ça, et qu'il a le premier texte qu'il a pondu, c'était celui, il avait lu un bouquin sur l'histoire de l'esclavage, l'histoire de l'abolition de l'esclavage. Et il a fait un petit texte qui faisait, où ça lui a donné l'idée de cette campagne-là. Et c'est un texte, moi, que j'ai trouvé très fort. Où, entre autres, il montrait que, bon, quand des gens sont réunis en 1768, je crois, ils étaient 5-6 personnes, en étant décidés à lancer une campagne pour l'abolition de l'esclavage. C'était une époque où la quasi-totalité de la population pensait que l'esclavage avait toujours existé, qu'il existerait toujours, que c'était quelque chose de naturel, que c'était quelque chose qui était soutenu par la Bible, dont on s'y explicite, etc. C'est-à-dire qu'il était dans, c'était une situation qui était très proche de la situation actuelle, où il y a une quasi-totalité de la population qui pense que ça a toujours existé, ça existera toujours, c'est naturel, les religions le soutiennent, etc. Que c'était une époque où il y avait 90% de la population qui ne savait pas lire ni écrire, et que pourtant, cette campagne-là, en moins d'un siècle, elle a abouti non seulement à l'abolition de la traite, mais à celle de l'esclavage au Royaume-Uni, ensuite très vite dans les autres pays. Alors que rien, absolument rien, ne pouvait permettre d'avoir un espoir à la base. Ils sont sans doute partis de conditions plus difficiles que nous aujourd'hui par rapport à la viande. Et ça paraissait ridicule. Il raconte comment est-ce qu'on se moquait d'eux au départ. On disait, si vous alliez dans la rue à l'époque, à Londres, distribuer des tracts, parce qu'ils faisaient déjà des tracts, des pamphlets, pour dire qu'il fallait arrêter l'esclavage, les gens riaient parce que ça paraissait complètement chimérique et aberrant quoi, de dire ça. On les prenait un peu pour des fous quoi, au départ. Aussi, ce qui m'avait marqué, c'est que c'était vraiment une campagne d'activistes. Quoi. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'on parle de l'abolition de l'esclavage, on n'imagine pas comme quelque chose d'activiste, au sens où on peut l'être nous aussi. Quoi. C'est, j'imaginais comme quelque chose de politique, au sens où à un moment donné, des parlements ont voté, je ne sais pas quoi, un processus très institutionnel, mais enfin, c'est absolument pas le cas. Ce sont des gens qui se réunissaient, les gens chez les autres, qui faisaient des réunions pour décider comment, quel trac ils faisaient, qu'ils écrivaient, pamphlets à écrire, et qui petit à petit ont pris des contacts, restés en Angleterre avec les députés anglais pour faire passer les idées petit à petit, puis qu'une proposition de loi s'est faite. Enfin, et c'est vraiment, on retrouve, ils faisaient des affiches à coller, ils organisaient des débats dans des cafés, enfin c'est l'activisme comme on peut le faire nous dans d'autres domaines. Quoi. Ça ne s'est pas produit parce qu'un jour le roi a décidé que finalement c'était moche et puis qu'il a signé un décret. Quoi. C'était vraiment des campagnes d'opinion publique et il y avait notamment un soutien. Et des réseaux locaux, des groupes locaux enfin, qui se sont mis en place en Angleterre, qui ont mobilisé beaucoup de gens, mais dans les plus petits villages, il y avait des petites villes, il y avait des groupes qui soutenaient, qui faisaient signer des pétitions, qui remontaient après au Parlement, la population demandait l'abolition de la traite et puis de l'esclavage, alors que la quasi-totalité du Parlement et puis de l'establishment anglais était opposée, en particulier parce qu'ils avaient des intérêts économiques dedans. Donc je voyais aussi des proximités. Je n'avais pas idée en fait, que cette lutte-là elle était similaire, même sur les modes d'action. Quoi. Ça m'avait beaucoup surpris. Ils faisaient des enquêtes, comme là, Seb et Dominique sont partis faire des enquêtes dans des élevages pour filmer. Ben, ils faisaient pareil, ils allaient dans les ports. Ils envoyaient des gens, ils ont mis des médecins sur des bateaux pour ramener des témoignages de comment ça se passait dans les transports. Enfin, c'est... Je vois l'écran est revenu, je profite pendant que ça marche. Je vais mettre un écran. Texte de la résolution. Parce que pour les mêmes raisons que ça. Oui, vous avez un autre droit. Dans un cadre politique, tu vas faire le. pétition, quelque chose comme ça. Après, comme tu dirais, toute autre revendication politique, les moyens sont bons ou pas bons, enfin, c'est, on entre dans le... Après, à chacun de faire ce qu'il pense être bien, et il n'y a pas... moi, j'ai pas une réponse à ta question, en fait, moi, je vois ce que je pense serait utile de faire et que j'aimerais bien faire, quoi. Mais comme... il n'y a pas un mouvement organisé pour faire quelque chose de central avec, avec cette idée. C'est plutôt seulement pour proposer l'idée ou il y a une stratégie ben, la première étape, c'est de faire connaître et de justifier cette approche-là, cette résolution, et d'obtenir le plus large soutien possible. À cette idée-là, quoi, à cet objectif-là. Voilà. Après, le reste se fait tout seul d'une certaine manière. C'est, donc je pense que le travail qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est d'expliquer à ceux qui se poseraient des questions à ce sujet-là pourquoi on pense que ça a de l'intérêt, il y a un intérêt qu'on pense être vraiment énorme en termes de, d'étapes pour le mouvement animaliste. Quoi. C'est, pourquoi est-ce que c'est vraiment différent, ça, que de faire la promotion du végétarisme ou l'amélioration des conditions d'élevage, quoi. Qu'est-ce que... En fait, assez paradoxalement, c'est quelque part le lien entre l'approche qu'il y a aujourd'hui sur l'amélioration des conditions d'élevage, qui est une approche sur beaucoup d'aspects politiques. On dit aux gens, est-ce que vous êtes d'accord pour abolir les cages de batterie? Les gens disent oui, les pétitions qu'on a écrites au ministère de l'Agriculture, etc., sont dans un processus politique. Et le végétarisme, on dit, c'est d'arrêter de manger de la viande, on dit à titre individuel. C'est un peu, pour moi, l'étape d'après, en quelque sorte, c'est d'aller jusqu'au bout. Voilà, c'est de faire entrer le végétarisme à part, comme il est traité aujourd'hui, la question d'amélioration des conditions d'élevage. Quoi. Donc après, à partir du moment où cette idée, que cet objectif est valable, et que c'est bien compris que c'est d'un autre ordre que la promotion du végétarisme, même si c'est complémentaire entre l'un et l'autre, c'est que chacun, dans chaque pays, à chaque niveau qui adhère à ça, essaye de faire avancer cette idée-là, quoi, cette idée que la viande devrait être abolie. Quoi. Voilà, tu vois, la première étape, elle est déjà là, quoi. Parce que moi, j'ai déjà vu des résistances. Parce que, enfin, qu'est-ce qui fait aussi que, quelque part, une campagne comme celle-ci, elle n'a pas été discutée plus tôt. Moi, j'ai l'impression que c'est parce que ça fait peur aux militants. Parce qu'on dit, quand on milite pour le végétarisme, on ne dit pas aux gens qu'on veut leur interdire de manger de la viande, qu'on leur dit arrêtez d'en manger. Enfin, prenez la décision vous-même. Je vais essayer de vous convaincre avec des arguments que vous avez décidé, et puis vous avez décidé d'arrêter, mais de votre plein gré, quoi. Alors que là, on dit non, ça va être interdit. C'est-à-dire que même celui qui veut continuer d'en manger, il ne pourra plus, quoi, il n'aura pas le droit. Et donc, c'est un sens. Il ne pourra pas, surtout, si on n'a pas l'âge. Il ne pourra pas, voilà. Hein, c'est, donc on impose notre pensée aux autres, quoi, c'est ça. Et ça, c'est. On voit déjà les résistances qu'il y a eu autour de choses comme la Veggie Pride. C'est déjà la simple étape de dire je suis végétarien pour les animaux. C'est-à-dire que je ne veux pas les manger parce que je pense que ce qu'on leur fait pour la viande, c'est moche. Ça, déjà, il y a une grosse résistance à oser le dire. Il y a eu d'énormes progrès de fait, mais il y a encore beaucoup à faire. Parce que quand on dit ça, on semble dire que ben, les arguments qu'on donne pour ne pas manger les animaux, ça s'applique aussi bien à nous qu'à quelqu'un d'autre. Quoi. C'est pas vraiment de santé, on aurait besoin de ne pas manger de viande. Donc, du coup, il y avait déjà des fortes résistances à oser dire ça à quelqu'un. Ah oui. Voilà, c'est déjà bon. Alors, sur l'abolition de la viande en termes de résolution politique, je pense qu'il y avait un frein à passer à cette étape-là, parce qu'on se dit, mais si on dit aux gens qu'on veut interdire la viande, ça veut dire qu'on va leur interdire à eux, on va leur imposer quelque chose. Et pourtant, je pense qu'à un certain niveau, on se trompe, c'est-à-dire que je pense que c'est plus facile de diffuser l'idée que la viande doit être interdite et qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont réceptifs à ça que de gens qui sont prêts à arrêter de manger de la viande. Enfin, moi, j'en connais plein dans mon entourage qui pensent que c'est bien ce que je fais de ne pas manger, que oui, les raisons sont très bonnes, que ça serait bien si, et d'ailleurs, ils mangent moins de viande et qu'ils font gaffe aux œufs, qu'ils ne pas acheter les œufs en batterie. Enfin, qu'eux, ils ne sont pas prêts à pouvoir faire ça, c'est pas pour eux, qu'ils sont trop vieux, ou je ne sais quoi. Ou... Voilà. Mais que, de la même manière que quelqu'un qui fume de la cigarette et qui peut être d'accord qu'il faut interdire le tabac, ils sont d'accord, si c'est interdit, j'arrêterai de fumer, et ça m'éviterait de pouvoir en acheter, j'y penserai plus, j'aurais pas commencé à fumer, ça serait mieux, tout ça. Il y en a plein qui pensent et qui pourtant fument. Ben, c'est pareil pour la viande. Moi, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de résistances qu'on rencontre, qu'on commence à rencontrer, enfin, qui limitent le mouvement contre la viande aujourd'hui au niveau individuel de promotion du végétarisme, Et on pourrait dépasser ces obstacles-là en parlant de résolution politique. Je sais, pour moi, ça, j'avais beaucoup de résistance avec ça. La façon dont vous avez écrit, c'est bien fait. Et comme je le vois maintenant, je peux dire que je suis d'accord. Mais quand les gens, la réaction immédiate, avec la première phrase qu'on se dit, on dit résolution pour l'abolition de l'abolition de la viande. Peut-être ça c'est la chose qu'il faut changer un peu, parce que la façon dont ça c'est dit au début, seulement ça m'a fait résister jusqu'à maintenant. J'étais toujours comme ah, non ça c'est une mauvaise idée, parce que quand les gens écoutaient ça, ça fait peur à les gens. Je sais pas. Ça m'a fait peur moi. Et même ça, je peux dire toutes les choses qui sont au-dessus à la gens, même la dernière chose. Mais j'ai envie de changer la première phrase. Hein? Ou je sais pas. Changer les mots, peut-être pas enlever, parce que c'est bien d'avoir une résolution, mais peut-être parler de un peu de position pour améliorer la vie. Hein? Position pour améliorer la vie. Je sais pas, en français c'est pas parfait, quelqu'un d'autre peut. Bon, on avait des discussions avant de parler plus sur le sujet avec les animaux, et tu as expliqué que c'est trop général, parce que dire montrer les animaux, ça peut signifier plein de choses. Je sais pas. C'est vrai. Mais peut-être une autre façon de parler des animaux. Parce que quand j'ai toujours eu l'idée, quand on parle d'un produit comme ça, c'est avant de faire des connexions, c'est des gens qu'on connecte beaucoup plus facilement quand on dit qu'on va abolir une action contre les animaux. Parce que les animaux, on peut comprendre, non, on ne veut pas faire mal aux animaux. Mais quand on dit on va abolir la viande, ça, la première réaction, c'est on va abolir un produit qui se mange. C'est une chose, une tradition qu'ils aiment bien. Pour la solution pour l'abolition de la consommation d'animaux. Oui, parce que moi, ouais. Je trouve que la viande, c'est restrictif. D'abord, parce que premièrement, il y a plein de gens pour qui le poisson, c'est pas de la viande. Il s'agit bien d'animaux. De chair d'animaux, peut-être. De chair d'animaux, puis les œufs, c'est pas de la viande non plus. Ou résolution pour l'abolition de la consommation de chair animale. Exploitation d'animaux. Non, parce que justement pas, parce qu'ils veulent, c'est vraiment ciblé, tu vois, sur l'abolition de la consommation d'animaux. Consommation, enfin, la viande en général, voilà. C'est-à-dire production, consommation. Les vaches, c'est pour ça aussi que tu n'as mis que la viande, parce que c'est aussi l'élevage, peut-être ciblé. La chasse, etc. Oui, c'est bien résumé dans la dernière phrase, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il est éteint, c'est comme ça. Je vais donner du courant. Ah oui, c'est le courant là-bas, c'est pas ça. Ça c'est bon, camarade. Oui, mais il n'est même pas branché. Peut-être utiliser la dernière phrase qu'on les avait dit. Résolution pour l'abolition de l'élevage, la pêche, la chasse, et la chasse des animaux pour leur chair. C'est une autre possibilité. Alors en fait, pour moi, comment ça s'appelle, ça n'a pas tellement d'importance. C'est-à-dire que Au-delà même du texte précis qui a son intérêt, c'est clair, mais à partir du moment où on dit abolition de la viande, interdire la viande, arrêter la viande, une société sans viande, etc., même qu'il y a un certain coût éventuellement sur les produits animaux, lait, œufs, tout ça qui soulève un certain nombre de questions, je ne crois pas que c'est finalement très important dans le sens où, à partir du moment où il y a un mouvement qui se dessine à niveau mondial sur le fait que des gens disent qu'il faut interdire ça, quelle que soit un peu la manière dont ils formulent, dont ils titrent, et dont ils en dessinent certains contours, je pense que c'est bon, quoi. Voilà. Après, on peut se l'approprier en changeant un peu de titre, etc. Comment ? Je dis ceci dit, alors. Je ne partage pas ton problème. Moi, j'aime bien le titre parce que ça résume bien la cible de la résolution. Et c'est difficile de le résumer autrement. Parce que ça résume l'abolition de l'élevage, de la pêche, de la consommation et du produit qui en résulte. Même si ça peut paraître choquant pour des gens qui ne sont pas végétariens, mais... Tu parles d'utiliser l'original. La résolution pour l'abolition de la viande. Ah ouais. Moi, ça me plaît bien. C'est plutôt bien connoté, abolition. Ouais. C'est connoté progressiste, en tout cas. Ouais. Mais je ne sais pas en fait, je ne crois pas vraiment que ça serait marqué partout. Je pense que l'idée d'interdire la viande, de l'abolir, de l'arrêter, etc., c'est ça qui devrait se diffuser, ce à quoi on devrait œuvrer. Par contre, le terme précis qui va être employé à ce moment-là, je ne suis pas sûr qu'il a besoin d'être identique partout. Donc, je veux dire, pour prendre encore le parallèle avec le foie gras, que je connais bien, c'est que. Que les gens disent qu'il faut abolir le foie gras, même abolir le gavage, interdire le gavage, etc. C'est pas tellement important en soi, finalement, à la fin. Il y a des moments où le choix du mot est super important. Moi, une fois, j'ai quelqu'un de lettre, je me suis posé pendant 5 minutes la question de savoir si je vais garder un autre, dans ce contexte-là. Mais globalement, ce qui reste, c'est qu'on doit interdire ce produit-là, parce que c'est trop moche pour ces animaux pour produire. Et qu'à partir du moment où c'est ça qui compte d'abord et avant tout, quoi. Et que, après, c'est peut-être chacun dans son contexte, ou celui qu'on peut éventuellement. Enfin, voilà. En fait, à partir du moment où la discussion est essentiellement sur finalement comment on doit rédiger ou le titrer, etc., je me dis bah, finalement les personnes qui discutent de ça, c'est qu'ils sont déjà d'accord sur le principe, quoi. Donc quelque part, je me dis, allons voir d'autres gens à ce moment-là, quoi. S'il y a des gens qui disent oui, mais moi je suis d'accord avec ça, donc par contre le titre qui me gêne un peu, ou tel que c'est formulé, en fait, c'est que oui, je suis d'accord pour abolir, on est d'accord pour soutenir ça, quelque part, c'est bon, le combat est gagné à ce moment-là, quoi. Mais pour... D'ailleurs, je ne sais pas si ici il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, enfin avec l'idée de dire que c'est quelque chose de pertinent, ou que ça va au contraire être plutôt contre-productif, qu'on va reculer avec un truc pareil, parce que, pour les raisons que j'ai dit, on peut interdire un truc. Ou qui ne sont pas d'accord pour que ça se fasse. Pas d'accord pour que ça se fasse, mais aussi, c'est un petit chose. J'ai pas l'air que c'est contre-productif, non. Mais en fait, je vais juste revenir sur la comparaison, d'ailleurs je suis d'accord dessus, avec l'esclavage, le monstre de l'esclavage. Mais il y a quand même une petite différence que je vois là. T'as pris l'exemple du sucre, par exemple, qui était produit grâce à l'esclavage en Amérique. Et bon, en fait, les gens étaient contre cet esclavage, mais une fois qu'il a été abolie, on avait toujours le sucre. Abolir l'esclavage, ça n'abolissait pas le sucre. Alors que là, on peut abolir les conséquences qu'on fait aux animaux. Mais en abolissant, on va abolir la viande en même temps. La viande animale, pas la viande végétale. Pas la viande. C'est bien, ça veut dire. Alors, toi, pour débattre, pour voir si la chair de poisson, c'est de la viande. Alors, la viande végétale, on est dans un. On laisse terminer Pierre, s'il n'avait pas terminé. Oui, d'accord. J'avais presque fini, donc voilà, on va abolir quand même la viande, et c'est quand même un plaisir. Je crois que les gens vont être un peu... ça va les braquer un peu, je pense, et surtout, ils vont peut-être... canalise un petit peu, comme si c'était mal, alors que s'il fait regarder dans la nature, les animaux se tuent entre eux pour se nourrir, il n'y a rien vraiment de mal en ça, c'est la nature, alors pourquoi interdire quelque chose de naturel en fait. Moi je crois que si les gens braquent, en faisant ça, c'est un peu. Parce que ça, c'est pas démocratique, moi, toujours déjà. Mais c'est une putain de bonne base, parce que là, le conflit, il est posé, quoi. On entend souvent des trucs genre, parle pour toi, toi, ne fais pas chier des histoires, c'est pas pour toi, c'est relativiste, quoi. D'autres questions, genre le sexisme, on va peut-être pas dire des trucs comme ça. C'est une question qui est politisée. On va dire, voilà, on est tous sexistes, les autres sexistes, ça peut être arrivé aussi. Mais le conflit est posé, on va pas leur dire, parle pour toi. Donc, ça me semble important que le peu de base soit posé quoi. Mais en France, ça sera super mal. Moi, j'ai fait super mal. Hein. Même sans ça, je veux dire. Ouais. Et justement, en évitant le végétarisme, il est posé. Et dire, qu'est-ce qui peut abolir le siège spatial, le truc où. Enfin, c'est pas signé comme texte encore, donc. Il pourrait pas y avoir une notion d'effectivement une société un peu plus culturelle, un peu moins proche de la nature justement, donc améliorer ce qui se passe de mal à la nature, ça pourrait être un défilé pour trouver la nature, c'est normal, quoi. Mais bon, c'est trop c'est naturel, c'est pas forcément bien. Donc je sais pas au niveau si on peut relier ça à quelque chose de plus citoyen, parce que là on ne voit pas forcément. Ça a l'air d'être un texte effectivement militant où une personne l'a fait. Et il n'y a personne derrière. Si on veut faire quelque chose de politique, donc citoyen, il faut qu'il y ait plusieurs autres personnes. Mais je ne sais pas comment on relie avec ça. Ou association, tu veux dire que d'autres associations sont derrière. Je ne sais pas, tout le monde, que ce soit dans le texte, donc sinon pas très signature, ça ne suffit pas, mais dans le texte, ça marquait, je ne sais pas, un peu comme la déclaration des droits de l'homme, quoi. Nous, le peuple, comment ça se commence, là. Donc on se pose comme représentant et puis on décide ça, quoi. Est-ce que là, ça pourrait pas être tourné comme ça si on a suffisamment d'appui derrière ou... Il semble qu'on a effectivement discuté ça au moment où on l'a rédigé, qu'il y avait une version qui disait nous quelque chose, et qu'on s'est dit que c'était pas. Comment ? Peut-être pas forcément sous cette forme-là. Oui, voilà, mais sur le principe, quoi, hein, de dire qui a écrit voilà. Ça, enfin voilà. Mais qu'on s'est dit qu'en fait, ceux qui. C'est pas tant ceux qui écrivent qui comptent, disons que c'est ceux qui soutiennent, quoi. Et que, en fait, tous ceux qui soutiennent ça, c'est ceux qui vont soutenir, c'est-à-dire qu'ils vont afficher soit ce texte-là, soit quelque chose de similaire qui représente les mêmes idées sur le fait qu'il faut abolir la viande, qui vont mettre leur nom, sous quelque forme que ce soit, sur une pétition, sur un site, une asso qui va dire qu'elle soutient ça, etc. Mais ça n'apparaît pas là. Aboli. Voilà, mais que le soutien, il va se faire par ceux qui vont citer ce truc-là d'une manière ou d'une autre. Il exprime le soutien à cette campagne, quoi, tu vois. Donc c'est signé, pas là-dedans, mais c'est signé dans ce que les gens vont faire. Ouais, mais sans reconnaissance dans le texte. Moi, je trouve qu'il y a une phrase qui est très intéressante dans le texte, c'est la bonne manière, et ça, pour reprendre à ce que tu en as mis, je trouve que c'est implicitement marqué dans cette... Oui, mais je veux pas... Dans parce que les êtres sensibles ne doivent pas être maîtrisés pour leur sensibilité. C'est quelque part déjà implicitement signé par une loi qui existe et qui dit exactement ça. Dit que les êtres sensibles ne doivent pas être maîtrisés ou tués dans son nécessité. Il faut mettre un risque alors. Mais c'est implicitement oui. Si c'est un truc de loi, il faut mettre un risque. Non, mais. Mais c'est pas. Oui, ou puisque. C'est pas une référence à la loi qui existe. Oui, mais à ce moment-là, ça lance un débat qui est très fort. Parce que si on dit puisque les êtres sensibles sont sensibles à la nécessité, puisque donc cette loi n'est pas appliquée, ça va lancer le débat sur qu'est-ce que c'est que la nécessité de manger de la viande. Et ça peut être intéressant d'ailleurs que cette résolution. Amène réellement à la question de fond et à la nécessité. Parce que juste avant, il est écrit parce que la consommation de viande n'est pas une nécessité. Et ça, c'est un sujet à polémique qu'on connaît à mort pour tout le monde. Donc, moi, c'est pour moi ce que je pense intéressant ce que tu dis, mais en même temps, je pense que c'est intéressant d'aller creuser cette résolution dans le sens de voir qui existe déjà et quelque chose qui a déjà été pensé, qui a déjà été gagné. Ça peut faire un lien pour une construction effectivement citoyenne qui est déjà derrière sur lesquelles on peut s'appuyer. Oui, et d'aller plus loin, c'est certain qu'il y a déjà depuis des années qu'on a puisqu'il y a quand même des lois pour le pouvoir de faire ça, c'est important. Oui, qui interdit de tuer et de maltraiter sans nécessité. La seule problème, c'est la nécessité. Je pense que là, il y a des travails qui sont plus difficiles, c'est quotidien. C'est que ce soit débattu avec les différentes questions que ça soulève, c'est que vous voulez dire à l'instant, est-ce que vraiment c'est une nécessité ou pas. Si vraiment on débattait aujourd'hui qu'il y avait un débat public sur la nécessité de la viande, ce serait merveilleux. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas. C'est pas tant qu'il y a des gens qui pensent que ce soit indispensable, c'est plutôt qu'il n'y a pas de débat. Parce qu'on sait bien qu'à partir du moment où il y a un débat, on marque des points. Donc, est-ce que c'est vrai que ce n'est pas une nécessité et qu'il y a des arguments pour ça, parce que nous, les preuves vivantes. Quoi. Et puis, pareil, il y a une autre question pour moi qui fait débat, enfin qui doit faire débat, et qui le fait pas assez. D'ailleurs, c'est est-ce que vraiment les animaux. Alors, la première ligne, c'est évident qu'il faut les tuer pour les manger, a priori. Bon. Peut-être qu'on produit la viande aujourd'hui. Mais est-ce que c'est vrai que nombre d'entre eux souffrent de leur condition de vie et de mise à mort. Là, s'il y avait débat aussi sur quel est le nombre d'animaux, la proportion et les types de souffrance ils endurent pour produire la viande d'aujourd'hui, pareil, ce serait un grand progrès. Quoi. Donc, quelque part, pour moi aussi, c'est ce qu'on peut considérer comme la radicalité de cette demande là, d'abolir la viande. On dit que c'est un choc, la première ligne déjà. Si ça provoquait un débat sur la viande, voilà nos arguments, discutons-en, ce serait un grand progrès. Quoi. Nous-mêmes, je pense qu'on a, sur certains aspects, à creuser encore jusqu'à quel point c'est vrai que les animaux souffrent de leur condition de vie et de mise à mort, sur cette deuxième ligne, combien d'entre eux, dans quel cas. Et si le débat se déplaçait sur on pourrait produire de la viande sans faire souffrir les animaux, pareil, quand ils se déplacent dans la discussion pour voir ce que là, déjà c'est un grand progrès. Et du coup, tu pourrais faire une position en ligne, un truc comme ça sur ce texte. Déjà, il ne faut pas dire trop. J'ai un certain nombre de trucs que je fais mieux que d'autres trucs que je fais moins bien ou que j'ai envie de faire sur ce domaine-là, mais j'ai pas trop envie de détails, tout ce que j'ai en tête. Des aspects scientifiques à creuser un peu sur d'autres éléments de la viande, etc. Mais je veux dire, c'est moi parmi, j'espère, des millions de gens qui adhèrent à cet objectif et qui souhaitent y contribuer. Quoi. Donc, j'ai l'impression que, après, c'est chacun à son niveau en termes de groupes qui peuvent se créer, etc., de listes de discussion et autres qui peuvent se monter, où là peuvent émerger des idées, mais c'est sur de la durée, enfin, de choses intéressantes et pertinentes à faire. Sachant que la première, elle est quand même de diffuser l'existence de cette idée-là, le texte aidant, il me semble qu'on peut difficilement s'en passer, mais bon, à la limite même, on peut en parler, moi j'ai déjà parlé dans des discussions autour de moi, sans avoir le texte sous la main, et de dire non, je travaille à l'abolition de la viande, quoi, mais si, je t'assure, tu rigoles, mais non, voilà, et puis ça lance une discussion. Donc la première, pour moi, c'est ça un peu la priorité qu'on devrait avoir, quoi. C'est, et déjà dans le milieu animaliste, quoi, c'est même en parler à table autour avec les gens. Quoi. Mais que déjà, et puis déjà en France, pour ce qui nous concerne, creuser les ponts avec les projets, mais voilà, et d'amener des gens à se positionner là-dessus, quoi. Et puis on va voir ce que ça donne déjà. Mm-hmm. Ouais. Donc là, admettons qu'on dise que voilà, j'aimerais bien participer à des actions. Qu'est-ce que vous répondez ? Moi, je pense que pour prolonger la discussion là et voir qu'est-ce qu'on peut faire, c'est après, au travers d'Internet, de la liste qui a été créée, c'est a priori le bon endroit pour discuter entre les gens intéressés, a été fait pour ça. Voilà, après. Il y a une liste qui a été créée, qui est une liste de personnes, donc il y a déjà travaillé sur ce texte-là. Il y a le projet donc, de reprendre tout le travail de façon pratique. Il y a le projet aussi de créer une liste internationale de langue anglaise. Moi je suis plutôt je suis très enthousiaste par rapport à cette initiative et je suis plutôt optimiste sur laquelle que ça va se voir. Moi j'en ai parlé quand j'étais au Mexique, à un comité animaliste qui était extrêmement enthousiaste, qui m'ont laissé leur contact pour être tenu courant, etc. C'est-à-dire que ça a été perçu vraiment comme quelque chose qui peut donner un nouveau souffle au mouvement animaliste. Et c'est pareil avec les contacts que j'ai au Brésil, au Portugal, dans pas mal d'endroits en fait. Et je crois vraiment que c'est. On peut compter sur le fait qu'un certain nombre d'organisations existantes soutiennent en tout cas adhèrent à l'objectif général. Et je pense aussi qu'on peut compter sur le fait que ça modifie la façon de percevoir l'engagement animaliste. Parce que ça donne une perspective précise à ensuite au niveau concret, il me semble qu'il faut présenter cette révolution, présenter pourquoi on l'a écrite, dans quel, enfin justement cette optique dans laquelle on l'a écrite, hein, et la diffuser sur la page internet avec ça, et puis ensuite demander oui, que ça se souscrive à ça dans tous les temps, et puis progressivement engager des actions spécifiques liées à ça, demander aux associations. Éventuellement des associations se créent aussi spécifiquement sur ce sujet. L'action devant l'abattoir. Peut-être à la prochaine avec des pailles, profiter pour allonger la liste de l'opposition. La question est soulevée. Sur la liste de la Vigipride, a été entamée un tout petit peu cette discussion-là. Il faut la reprendre en septembre. Pour décider qu'est-ce qu'on fait, comment la Vigipride se positionne par rapport à l'émission de la langue, de quelle manière, elle fait une place ou pas, la question est posée. Elle a été répondue d'ailleurs. Non. Je crois que tout le monde est, parmi les organisateurs, à peu près les gens qui sont tout le monde sont d'accord. Voilà, les gens qui sont sur la liste d'organisation, les organisateurs, c'est... Tout le monde peut s'y inscrire voilà. À partir du moment où on est d'accord. Voilà, on est d'accord un peu avec les principes de la Vigipride, les principes de base. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui va au-delà de la Vigipride, quoi. C'est-à-dire que la Vigipride dit, nous ne mangeons pas de viande pour les animaux, et nous pensons que nous avons raison de le faire et que nous sommes nous voulons dire publiquement que nous sommes fiers d'être végétariens, que nous pensons que c'est la chose juste que nous faisons. Moi je trouve qu'entre ça et le fait de dire tout le monde devrait arrêter de manger de la viande, c'est-à-dire que le pas logique il est presque immédiat, mais je sais que tout le monde ne le pense pas. Enfin, je sais, en tout cas je pense que beaucoup de gens pensent qu'il est juste de ne pas manger de la viande, mais ne seraient pas d'accord pour dire il faut que tout le monde arrête de manger de la viande. Alors, je ne sais pas exactement quelle proportion, mais donc la question c'est d'une certaine façon si on transforme la Vigipride en incluant ça et que viennent à la Vigipride les gens qui sont d'accord avec ça, ça risque de restreindre la Vigipride, mais en même temps ça vaut peut-être largement un coup, quoi. Je pense pas que ça restreigne, je pense que ça va être le contraire. Ou peut-être que dans un premier temps, ça va restreindre, mais après, il y a plein de gens qui vont se remotiver, justement. Oui, à ce niveau-là, oui. En même temps, je trouve qu'il est juste pour... Je trouve que, indépendamment de la revendication d'abolition de la viande, il est juste aussi que les gens qui ont fait le pas concret, parce que la revendication d'abolition de la viande, c'est une prise de position... Là, c'est une prise de position, c'est au niveau des idées. Alors que c'est plus actif, je pense. L'abolition c'est plus actif, mais en même temps, c'est pas forcément plus actif. Il suffit de dire oui, je suis d'accord, et puis voilà, quoi. Ça entraîne plus de choses dans l'esprit. Ben, disons que ça entraîne plus de choses dans un certain sens, mais je veux dire, quelqu'un peut être pour l'abolition de la viande tout en continuant à en manger. Enfin, c'est ce qu'a expliqué Antoine. Et que je trouve que par ailleurs, c'est bien que les gens qui concrètement ont arrêté de bouffer de la viande. Pour les animaux, mais indépendamment de ce qu'ils pensent de l'abolition de la viande ou telle autre idée, de l'antispécisme ou de n'importe quoi, puissent le dire. Je veux dire que ça met aussi sur la place publique la possibilité de cet acte concret, l'existence d'un mode de vie différent. D'un mode de vie, moi je dirais pas mode de vie, enfin de fait c'est un mode de vie. Je veux dire, l'existence simplement du fait de pouvoir vivre sans manger, sans tuer les animaux, quoi. Voilà. Dans l'idéal, je dirais qu'il faudrait deux manifs, quoi. Enfin, je sais pas. Mais bon, c'est peut-être pas possible de faire deux manifs. C'est peut-être le mieux, c'est de les mettre ensemble. Sur la Vigipride, mon sentiment, c'est que de la même manière que avant la Vigipride, on disait en fait, quand même, la plupart des gens qui sont végétariens, pas tous, mais enfin, la plupart, la grosse majorité, sont végétariens un peu les animaux, et qu'ils n'osent pas le dire, parce qu'ils disent, on va dire que. Et que la Vigipride dit, ben, j'ose le dire, je suis végétarien pour les animaux, quoi. Et qu'aujourd'hui, si on regarde les gens qui viennent à la Vigipride, qui soutiennent l'initiative, qui sont d'accord globalement, ben, en fait, ils sont aussi pour l'abolition de la viande, mais ils n'osent pas le dire, quoi. C'est un peu de la même manière, je ne dis pas tous, 100%, etc. Donc, voilà. Alors après, la conclusion tirée, est-ce que ça veut dire qu'il faut dès l'année prochaine changer les choses beaucoup ou pas, j'en sais rien. Et de fait, quand on a des panneaux viande égale meurtre dans la Veggie Pride, je veux dire. Oui. Je ne peux pas dire viande égale meurtre, je suis pas pour l'abolition du meurtre quand même. C'est, ça serait aller trop loin. Ouais, mais... Moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant pour d'abord en son. Ensuite, parce que je pense qu'effectivement, ce côté un peu fou quoi, d'imaginer l'abolition de la viande est forcément provocateur non seulement au débat, mais aussi qu'on pourrait appliquer ce texte précis en changeant simplement quelques mots pour l'abolition de l'expérimentation animale, etc., etc., etc. Il suffirait de changer les mots en gardant les constructions différentes. Et je pense que ça peut être intéressant de... Je trouve ça intéressant, cette idée de vraiment... tout fou, quoi. Parce que ça va choquer, ça va obliger effectivement les institutions à se retirer. Et puis je pense aussi, qu'est-ce qui s'est passé à l'abolition de l'esclave, qu'est-ce qui est de l'affranchissement, donc ça veut dire qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a affranchi toutes les trucs, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Et ça ouvre énormément de portes, alors déjà dans la discussion et la conscience des choses, mais aussi de portes de créativité pour d'autres alternatives qu'on peut proposer. Effectivement, on peut, on dit tout à l'heure, on peut maintenant, on commence à cultiver de la viande, enfin, une cuivre, vous savez, machin, mais c'est que oui, la philo, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne sais plus quoi, sous le quoi, on peut avoir un bloc MIC, je vais parler. Non, je ne sais pas. Et je trouve vraiment, moi, depuis l'an dernier, ce que j'ai vu comme festival, c'est ça, vraiment très très fort, plein de trucs, hein, vraiment, je trouve que c'est extrêmement intelligent. Parce que aussi, j'ai fait référence à la pollution de l'esclavage. Maintenant, je suis aussi d'accord avec toi quand on dit la viande, la touche, quelque chose qui est. Ouais, mais c'est super intéressant. C'est l'argument qu'on sait qui passe. Bon, alors c'est ça. Mais... Oui, et puis on touche à quelque chose qui a rendu beaucoup plus intéressant que l'esclavage. Beaucoup plus intéressant que l'esclavage. L'esclavage, on ne sait pas. Enfin, tu vois, il n'y a pas cette espèce d'ingestion dans ton corps. Le rapport à la viande et à la bouffe, c'est quelque chose qui touche l'humain dans quelque chose d'extrêmement puissant, parce que c'est sa survie, c'est etc. Philosophiquement, psychanalytiquement, c'est très très puissant. Et moi, je trouve que c'est bien d'aller très fort, très loin comme ça, en sachant que tout le monde est taré. Mais c'est bien, parce que ça ouvre vraiment la même chose. Et je suis très envie. Bien organisé qui arrive avec les collègues de Gaïa, tout ça, et voir un peu comment ils se positionnent directement par rapport à. Je ne sais pas trop où ils s'en font. Eux, et puis je pense aussi à tout court. En Belgique, il y a une femme qui a monté un refuge pour animaux en donnant la bouche végétalienne à ses animaux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est une association qui s'appelle Fabienne. Oui, extraordinaire. Ça, c'est quand même le top, quoi. Parce que effectivement, alors on va nous envoyer dans la gueule, oui, mais alors, on est des chatons, on est nourrir, hein, parce qu'il faudrait bien tuer des animaux pour faire des croquettes pour des chats, pour des chats. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que ça mène à des débats, on peut imaginer que c'est vraiment intéressant sur la différence qu'on fait entre les animaux, et on touche déjà dans. Donc vraiment, moi, je trouve cette idée est super puissante en termes de créativité. C'est bien. Sur l'esclavage, je disais l'analogie, après le pays simple. Pour moi, ça ne va pas avec. C'est juste que qu'est-ce qui moi m'a amené à faire l'analogie. Puis je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont touchées par ça ou qui font des liens. Fin. Et pour moi, ça ne va pas avec. C'est-à-dire qu'on peut penser que ça n'a rien à voir comme type de mouvement, après tout, mais être d'accord avec l'abolition de la viande. Pour moi, ça, c'est la différence. Comment ? J'ai aussi un analogie. Oui. Parce que par la viande, je veux dire, par un oui, c'est vrai. Oui, ça a abolir la vie condition par la clique d'être vivant. Oui, par rapport à là, je vais faire. Oui, mais moi je trouve qu'elle est évidente, puisque l'esclavage, c'était finalement introduire aussi cette notion hiérarchique entre les êtres vivants. C'est pas spécifiquement humain, mais on va toucher forcément au débat sur l'antispécisme. C'est pour ça que ça ouvre des portes qui sont vraiment intéressantes. Qu'on soit ou pas antispécisme. Un des arguments de l'esclavage, c'est de dire que l'esclave n'est pas vraiment humain. Oui, vous n'avez pas d'âme, vous n'avez pas d'âme, etc. C'est tout ça. Il y a un truc, je ne sais pas si c'est François, quelqu'un qui a dit, par rapport au fait de. Que je trouve que ça. Ou c'est peut-être toi, oui, que ça sortait de. que ça pouvait beaucoup dynamiser le mouvement animaliste. Et je pense que c'est vrai que en dehors de cette perspective d'abolition de la viande, je veux dire, être animaliste, c'est-à-dire être antispéciste ou être personne qui travaille dans un refuge contre l'abandon des chiens et des chats, enfin, je veux dire, toute la gamme des trucs, c'est un boulot qui est enfin, fait de 99,9% de défaites quotidiennes, quoi. Je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est très très... une répétition de bon, j'ai sauvé un chat, j'en vois 50 qui se font charcuter, etc. quoi. Je veux dire, bon, moi je bouffe pas de viande, je passe au supermarché acheter mes carottes et je vois tous les gens avec les barquettes de viande. C'est quelque chose de très très décourageant. Et militer pour le végétarisme, c'est pareil. J'en parle au bureau. Bon, j'ai des collègues de bureau qui a dit d'accord, je mangerai pas de foie gras cette année, quoi. Je veux dire, bon, oui, c'est une victoire, mais je veux dire que c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de défaites, et que une perspective politique, c'est aussi quelque chose qui donne une perspective, quoi. Une perspective qui donne un sens aussi au fait de subir tous les jours toutes ces défaites. Hein. Sondage que tu... Les sondages que tu as vu. Des gens qui disent spontanément, moi j'en connais mes parents aussi, quoi, ouais. Mais c'est que depuis que moi-même, je leur parle du végétarisme, c'est de plus en plus de manière politique. Quoi. Il y a des gens qui spontanément le disent, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais parce qu'ils n'ont même pas été amenés à se questionner là-dessus. Quoi. Donc le rôle déjà primordial d'une initiative comme ça, c'est déjà que les gens se questionnent s'ils sont d'accord avec ça ou pas. Quoi. Donc je pense que ce n'est pas exprimé simplement parce que la question n'aurait pas posé, quoi, que les gens avaient été réfléchis. Mais quand tu m'as posé la question. Ah oui, mais j'en connais plein. Oui. Mais je me demande si j'en connais pas plus que du végétarisme, je sais pas. Enfin, il y a des gens à qui j'ai pas demandé, mais je suis convaincu qu'ils vont me dire oui, de la manière dont ils m'ont déjà parlé du végétarisme. Ils vont me dire je suis d'accord avec toi, ça serait mieux, mais moi je vais pas faire l'effort. J'en connais plein. Enfin, mon frère, voilà. Oui, moi je vais pas faire l'effort, et puis ça reste comme ça. Mais non, mais si c'est interdit, j'arrêterai d'en manger. Comme la faute, si c'est interdit, j'arrêterai d'en fumer. Je peux pas faire le foie, puis c'est bon, et puis voilà. Quoi. Mais oui, je suis d'accord que ça serait mieux. Quoi. Pour attendre tout le monde. Mais. Quoi il y a aussi peut-être comme tout le monde, de ne pas se mettre en marche. Oui. Moi, j'ai été très frappé au Mexique. Moi, ça m'a un peu halluciné. J'étais dans les milieux droits de l'homme. Mais à fond, milieu politique de gauche et puis droit de l'homme, donc super humaniste et tout ça. Ils connaissent moi mes idées là-dessus, mais bon, ils les prennent un peu, des fois ils rigolent, des fois ça les interpelle, mais enfin bon, une sorte de distance quand même. Et quand j'ai parlé du projet de campagne internationale pour l'abolition de la viande, ils étaient assez scotchés. Quand je donnais aussi l'argumentation et tout ça, il y avait une sorte de... Je sentais comme une sorte de... Ça changeait tout d'un coup de perspective. J'avais parlé de ce qui s'était fait sur le modèle des de, campagnes contre l'esclavage, tout ça. Et j'ai eu l'impression que ça avait un impact psychologique, cette idée-là, qui était vraiment super fort. J'ai vraiment ressenti ça. Et là, il y a une... La dirigeante de la Ligue mexicaine défense des droits humains dans l'état de Oaxaca, qui me disait qu'elle pensait qu'elle allait devenir végétarienne. Et je crois que c'est beaucoup les discussions qu'on a eues autour de cette histoire de campagne. Quoi. Mais je crois que c'est l'impact même de l'idée d'une campagne pour l'abolition de la viande, quoi, qui est une sorte de déclic psychologique à ce niveau-là. Moi, j'ai vraiment eu, ça m'a épaté ce truc-là, mais j'ai trouvé qu'il y avait un impact considérable. Il ne faut pas qu'elle devienne végétarienne, il faut qu'elle soutienne la campagne. Et du coup, le végétarisme, pour moi, ça devient comme une forme de boycott qui exprime son soutien à cet objectif-là, cette campagne-là. Ça change la... Le boycott, d'ailleurs je reviens, enfin, la question du boycott quand on est végétarien, on a tendance à dire soit je suis végé, soit je ne mange pas les animaux, bon déjà c'est pas, ça fait plus dresser l'oreille, mais finalement j'ai de plus en plus envie de dire maintenant mais je boycotte la viande, quoi. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec ça, avec la viande, je pense que ça devrait être interdit, je la boycotte, quoi. Comme on boycotte les CFC à l'époque, quoi. Et comme, voilà, pour encore faire l'analogie avec l'abolition de l'esclavage, les gens qui... Les 300 000 Anglais qui refusaient d'acheter du sucre, qui refusaient parce que c'était un boycott, ça s'appelait comme ça, c'était compris comme tel, quoi, le boycott du sucre. Et il y avait 10 fois plus, je ne sais pas combien de fois plus, d'Anglais qui soutenaient l'abolition de l'esclavage, mais qui continuaient, qui n'étaient pas prêts à faire un boycott pour autant, quoi. Voilà, pour moi, et du coup, ça renverse complètement la perspective, c'est-à-dire quelque part, on devient, en tant que végétarien, un peu les plus radicaux, les plus qui vont jusqu'au bout, les plus motivés, les plus passionnés de la cause de l'abolition de la viande. Et donc on boycotte, voilà. Mais on est juste une sorte de tête de pont d'un truc beaucoup plus large, quoi. On n'est pas une espèce à part, quoi. Voilà. Voilà, oui. Voilà. Dire et exprimer quelque chose. Parce que c'est vrai que souvent, les gens se rendent compte, ils sont coincés, quoi. Ils savent que, ben oui, il y a tout. Et puis ils se voient en train de vivre, au moment où on discute avec eux, ils mangent encore de la viande. Et ils sont très mal à l'aise avec ça, ce qui a induit l'agressivité, l'auto-justification. Et en fait, c'est parce qu'eux, ils ont pensé, ils regardent le régime du gamin, des colonies. Donc vous pensez qu'on est des marchés? Alors que ce genre de façon de voir les choses, dès que le police est complètement. C'est peut-être ça la mission de l'interview qui, finalement, par paradoxe, soulève les autorisations. C'est très intéressant, la mission de l'interview. Mais c'est assez lamentable d'ailleurs de voir en passer par là. Hein. Enfin, moi je... Non mais c'est vrai, c'est quelque chose ça me... C'est le fonctionnement, en plus je vais l'image, l'interdit c'est ce qui est interdit, c'est ce qui dit entre. Et c'est pour ça les lois elles sont intéressantes pour ça. Tu vois, l'intéressant dans l'interdit c'est ça. Ce qui est interdit c'est quelque chose qui a été dit entre plusieurs personnes et décidé d'un commun accord. Et c'est dans ce que disait Valérie. Les gens en fait peuvent dire oui, ils accepteront cette manière parce qu'ils ne voudront pas être à la marge, parce que le fonctionnement humain, c'est ça. C'est je vais être comme tout le monde. C'est pour ça que c'est très puissant ce truc, à plein de mots, vraiment. Moi ça me parle bien, je sais pas. Après, il faut diffuser, puis voir un peu les réactions, ça va être vachement intéressant. De cette semaine, quelques jours encore, entre les pestes. Alors, c'est pas bien Internet, pour aller sur la liste, pour envoyer pas les discussions qu'on aura peut-être, voir un peu bien Internet. Pour... Bien, oui, alors de mémoire, parce que. De toute façon, on pourra vous l'envoyer. On verra pas, mais. Vous l'envoyez sur la liste végétarien.fr. En fait, c'est une liste Yahoo, c'est Abolition Groupe sans eux. Voilà, tout comme Abolition Groupe sur Yahoo, je sais plus FR, pour les groupes. Mais ça, je pourrais vous les vous envoyer. Tu m'envoies si tu veux sur la liste. Le blog, pour pouvoir peut-être envoyer si on a des discussions, des éléments. Pas nous, pas de groupe, le groupe Yahoo. Tu prendras vos adresses. Ouais. Un groupe. Oh, bah, Isabelle, j'ai déjà. Sylvain, il n'a pas internet. C'est quoi internet? Alors, c'est une sorte de réseau. C'est quoi, à voir? Il y a un groupe qui est. Il y a un blog qui est. Et d'ailleurs, Julie, il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par l'atelier. Ah bon? Ouais. Tiens. On est où? Il y a une autre. Peut-être. Internet. Vers la biométrie, les biotechnologies. Le test de la publicité et tout ça. Ça, hein. Ça fait une vraie chute. C'est enregistré, hein. C'est inventé. Non, c'est une blague. C'est ça, si tu veux nouvelle technologie, ce sera sur les rudiments. De... C'est fini. Bah je sais pas. Qu'est-ce que. Moi il faut que je retrouve le texte en turc que je t'avais envoyé pour qu'il soit revu par IPEC. Tu l'as envoyé, je dois l'avoir. Oui, tu dois l'avoir. Sur les versions dans les autres langues. Ça a été traduit. Ça, plus d'autres textes d'Antoine, donc sur la comparaison avec la campagne sur l'esclavage, sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre le fait de tuer sans nécessité, des trucs comme ça. Il y a eu au moins trois textes différents qui vont autour de cette déclaration, qui ont été traduits en allemand, en anglais, en italien, en espagnol, en portugais et en turc. Théoriquement, qui devrait l'être en arabe, mais je ne sais pas ce qui se passe, c'est grippé. Le texte sur la résolution de l'abolition, vous l'avez traduit dans quelle langue? C'est l'anglais, je pense. D'accord, vous l'avez déjà traduit en toutes ces langues? Je crois, c'est le cas. Hein. Comment le texte sur la résolution là? Oui, elle est traduite. Ah oui, alors elle est sur le net, oui. Je vais donner l'adresse, elle est en français, anglais, espagnol, espagnol, portugais, allemand. Allemand, non. Je crois non pas. Non. Non. Il faut qu'on vérifie tout ça, parce que... Mais toutes les langues, j'ai dit alors allemand, peut-être, oui, et puis encore une ou deux autres langues. Est-ce qu'il y a moyen de faire tomber tous les textes de loi qui existent au niveau international sur la protection animale et de les reprendre point par point, faire une espèce de listing comme ça, article machin, le temps du code machin, de tel individu, disant ça par rapport aux animaux, tiens, dans telle technique, ça, ça, ça. Pour voir un petit peu les niveaux d'évolution et de réflexion, en bloc dans un des chapitres de développement. Ça pourrait être intéressant, mais je ne sais pas quel moyen je gérer du tout, mais sur la bibliographie, je suis libre quand même. Mais international, oui. Tu vois, ce que je me disais, on va traverser en Chine, ça mais qu'est-ce qui se passe en Chine par exemple par rapport à la production animale en termes législatifs par pays, oui, par pays. Oui, moi je pense au niveau international, la seule manière dont ça peut marcher, c'est qu'il y ait des gens qui, comme nous, dans le pays, adhèrent à l'idée et puis fassent un travail équivalent dans notre pays. Ils sont intéressants. Donc, voilà. Donc, en Inde, à mon avis, il y a plein de choses. Oui, oui. Il y a pas de susciter, susciter des initiatives similaires dans notre pays et puis rester en contact. Quoi. Et après, ça se fait tout seul. Quoi. Voilà. Parce que à travers ces textes de loi, ce qui serait intéressant, c'est de voir parce que les gens. Qu'est-ce que les mentalités ont produit comme loi, et donc c'est un peu plus de ici, c'est tout par hasard en France. Moi, j'aimerais savoir ce qui se passe en Chine. Je pense que le meilleur moyen de savoir, c'est de contacter des assos chinoises qu'on trouve par je ne sais pas où, et puis leur dire il y a cette proposition. Cette résolution, cette campagne, c'est-à-dire que, voilà, et puis qu'est-ce que vous pensez de ça, vous adhérez, voyez, et puis il y a une liste, et puis voilà, quoi. Comme il va commencer avec des gens de différents pays, et où ça va bien, il faut qu'on crée une liste internationale en anglais, hein, pour que nous ayons la discussion. C'est un peu ce qui a été justement interdit, ce qui a été interdit par la loi, et donc dit avant entre les deux, pour pouvoir arriver à donc tout ça, ça va compiler déjà toute la masse de réflexion et de conscience de la protection de l'homme. Et puis aussi parce que c'est l'idée d'aller, il faut carrément aller plus loin, dans, enfin je pense que vous avez déjà pensé à ça, mais de se dire, bah oui, merde, c'est peut-être possible que la demande d'abolition de la viande aboutisse à un texte de loi, qui au final, on peut rêver dans le monde, mais peut-être demain. Et donc, pour ça, il faut pouvoir faire la compilation de ce qui est déjà, en termes juridiques et d'organisation sociétale, c'est-à-dire l'organisation de notre société, c'est notre conscience. Par les citoyens, je pense que c'est effectivement le biais par lequel il faut aider. Il y a des gens qui ont déjà commencé à faire colloque pour animaux, sur le droit des animaux, justement, avec des gens. Sur la place de l'humain dans le droit. qui rappelle simplement les articles du monde, qui existent déjà, mais qui existent très bien et qui sont appliqués. Mais parce que les termes sont pervers et ils sont pas clairs, comme d'habitude, on ne va pas y penser. Mais c'est ce que disait Jean-Pierre Martin. Il disait que le droit est complètement contradictoire, parce que ça n'est pas tout, mais c'est ça qui est. Franchement, moi, il y a une part sociale logique que je connais sans se faire de l'autre. Vous êtes comment est-ce que c'est très souvent ici de les appliquer, de vous voir agir, et sans les appliquer, en disant pas, tiens, vous avez dit ça, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et je trouve que c'est beaucoup plus bien de s'inscrire dans quelque chose de très. Tu disais, Isabelle, dans plusieurs milliers d'années, moi je pense que je serais mort avant, que ce soit aboli. En France en particulier, parce que ce ne sera pas le premier endroit, mais moi je ne travaille pas pendant plusieurs milliers d'années. Moi je pense que c'est possible dans un canton suisse avant la fin du siècle, par exemple. Moi ça peut aller vite, hein. Voilà. Les cantons suisses sont souvent très rétrogrades. Hein. Il y en a un où il n'y a toujours pas le droit de vote pour les femmes. Par exemple aussi, pour des affiches, c'est vachement facile de faire des affiches avec ça. Oui, je voulais. J'y aille, je vais essayer ça. Je vais essayer ça par là. D'accord. Est-ce que tu peux marquer tout mon état? Parce que l'idée de placarder des affiches, tu vois, si tu mets une patate, les mecs vont pas dire. Il faut mettre des choses très. C'est vachement important, quoi. Tu vois, l'affiche de Gaïa contre le foie gras était extraordinaire. C'était un canard déguisé en costume sadomaso. Et il n'y a pas de mot dessus. Tu comprends que c'est quoi qui contre le foie gras. Et c'est une campagne mais qui a fait un boucan mais phénoménal. Ils sont très puissants en termes de communication. Moi je ne connaissais pas Gaïa, je suis passé au mois de janvier, j'ai vu ce que c'est pour en parler, j'ai vu le canard avec des espèces de trucs. Vachement bien, Belgique. Ah oui, pardon. Mais là, il n'y a rien à voir. Ben, j'essaierai de la trouver pour envoyer. Et ils sont très puissants au niveau de communication. Il n'y a pas de placard de texte, tu vois, moi ça me va bien. Alors on peut critiquer. Non, c'est bien Gaïa, vraiment, j'aime beaucoup aussi la rapproche. Je que. À Bruxelles, et ça paraît rien là-bas. Mais par contre, tu peux placarder partout dans toutes les villes. Et, les gens en parlent. Les gens sont au niveau. Hein. Donc, cette histoire de comment on communique le retrait, je pense que nous racontons, tu vas modifier le projet. Moi, je pensais à des mots d'embargo. En termes d'image, oui, ce serait intéressant. Je suis sûr. Et moi, je pense qu'il ne faut pas rester éloigné de l'abolition d'esclavage. Quant à la communication de cette abolition de l'esclavage. Parce que, moi, j'en ai parlé, j'en ai parlé avec des gens qui sont tout omnivores. Ils demandaient c'était quoi les estivales, machin. Et j'ai parlé de ce sujet. J'ai dit, il y a l'idée de l'abolition de la viande. Et j'ai fait référence à tout ce que tu as fait sur l'abolition de l'esclavage. Et là, tout d'un coup, j'ai écouté. Là, j'ai senti, tu vois, il y avait un « Ah, merde !» Là, je suis coincée. Mm-hmm. Tu vois ? Parce que ça parle, on parle de l'humain. Ben, c'est les intérêts plus. Ils ne peuvent pas dire, ben non, ils ne peuvent pas m'envoyer, oui, mais il y a les enfants qui souffrent. Tu vois ? Et je pense qu'au niveau de la communication, ça peut être intéressant de revenir et de rester avec ce parallèle, en faisant attention peut-être évidemment aux écueils potentiels, aux caricatures. Mmh. Il y a déjà eu l'utilisation de la... Le sauvegamage a fait une affiche là, qui montre un canard qui est mort dans sa cage. Il y a marqué cuite à bière, point d'interrogation, non foie gras, point d'exclamation. Mmh. Et en dessous, il y a marqué les animaux ne sont pas nos esclaves. Il y a un texte qui dit, hein, il y a ce canard qui fait partie des millions, du million de canards qui meurent en France avant même d'être consommable à cause des conditions de production du foie gras. Et bon, il y a marqué ça. Et ensuite, il y a marqué les animaux ne sont pas nos esclaves. Et c'est un truc qui me porte vachement. Mais oui, ça peut être un autre champ. Je pense que par rapport à la vaccine, tout le monde, enfin, je m'en rends compte, je ne vois pas complètement quand tu parles de l'esclavage. Est-ce que ça va pas bloquer les gens de faire physiquement référence à ça ? Est-ce que les gens n'ont pas la clave à tout dire ? Ah ouais, mais c'est des humains, c'est pas pareil. Et sur ça, vont rester sur leur truc comme ça et pas réfléchir. C'est un nouveau truc. En même temps, ça va susciter leur intérêt en même temps. On en parlait hier avec ça, mais il disait que en fait, le truc que vous trouvez, c'était d'amener les gens à penser ça, mais pas les communes. Faire la compte parmi vous, les gens disent. Ah ouais, c'est comme ça en fait. Mais sans nous, on leur dit, ouais, c'est comme esclavage, c'est comme ça, c'est comme ça. Enfin, la meilleure éthique, ou alors le reste. Ouais, en fait, en gros, quand tu veux faire parler avec l'Holocauste des Juifs, on lui dirait, ce qui se passe, les vaches, c'est comme l'Holocauste, tu racontes juste les conditions de transport, que dans certaines, qu'il y a certaines vaches qui sont tuées en masse, sont gazées, puis juste ça, là. T'as pas besoin de dire, c'est comme le code, les gens, le voisin, enfin... Tu avances masque. Et c'est même, en fait, c'est simple, c'est comme le code des gens. Du coup, ils ont l'impression que eux qui se sont dit ça. Ouais. Ah, c'est ça, les affiches. On voit pas très bien en bas là. Hein. Ouais. C'est la toute petite, la phrase qui est en bas, elle est trop petite. Là, on est dehors. Il reste un milliard. Là, on a besoin pour coller Oui. Ouais, ça va coûter cher à envoyer. Et c'est coûté cher à envoyer et à vous en avez pas amené beaucoup en plus, non ? Hein ? Vous en avez pas amené beaucoup ? Bah j'ai tout ça. Et les autres, c'est quoi ? Et les autres, c'est des enfants. La chair végétarienne. La chair végétarienne, mais il y a celle de la poule. Mon suicide. Ça revient pas moins cher. Tu peux faire une. Moins cher que la farine. Avec la femme. Non, avec la femme. Oui. Les vrais, ça vient manger. Mais bon, peu importe. Il faut l'enduire devant, derrière. Les deux côtés. Ah oui, c'est vrai qu'avec l'angle des sous, il faut que ce soit bien incliné comme ça. Parce que sinon, ça, si c'est de la rigidité, par exemple, des papiers couleurs, ça va le déteindre. C'est vraiment en fonction d'affiches. Le problème avec des grandes affiches comme ça, c'est que je ne trouve pas toujours autant d'emplacement qu'avec une petite affiche à 4. Mais donc c'est moins de passe-partout. Mais en même temps, c'est moins. Enfin, en gros, ça se colle comme du papier peint, c'est ça. C'est exactement la même méthode. Voilà, oui. C'est comme du papier peint, sauf qu'à la fin, on repasse par-dessus. C'est ça, ça protège un peu de la pluie, quoi. Comment ? On repasse pas par-dessus avec le papier. Non, tu repasses pas dessus. S'il y a d'autres choses à dire ou pas, dans l'immédiat en tout cas. Sinon. C'est à la rentrée, en septembre, qu'on va relancer ça. Non, je pense que ce sera à la septembre, oui. Ouais. Qu'est-ce que ça serait chouette, c'est qu'on puisse ajouter le texte, l'agrandir, et puis la carrosser. Oui, oui. Oui. Les gens lisent quand il y a un texte court, enfin moi je sais que je lis, si y a un texte, tu te demandes de. Ouais, mais. Et si on prend une direction de dégraphie, je vais devenir tableuse. Ça va être combien de tableuses? Oui, c'est vrai. Ça coûte cher en cerveau de la peinture. Merci. En termes de peinture. C'est quoi? Cette. Le texte? Le texte, mais bizarrement, il n'est même pas sur le net, celui-là, en fait. Je me suis trompé tout à l'heure. C'est d'autres textes qui ont été écrits par rapport à l'abolition, enfin, le principe de la campagne, tout ça, qui ont été traduits dans toutes ces langues. Mais la résolution, elle n'est dans pas beaucoup de langues, je crois. Voilà, donc il faut qu'on revérifie, voilà, c'est ça. Et il faut qu'on voit. Si on se met sur la DSL en un quart d'heure, c'est clair. Hein. Donc le mieux, je pense, c'est ça. Toi, tu as noté les noms des gens qui veulent recevoir un mail pour avoir l'adresse de la liste, c'est ça? Oui, j'ai une personne, ouais. Et puis deux autres qui vont apprendre à l'internet. Et parce qu'après, sur la liste, c'est là où le texte a été diffusé, etc., et on discutera de, voilà, si quelqu'un crée une page web quelque part pour le coller, le mettre, etc. Enfin, voilà, ça sera plus efficace que... discuter ici. Après, sinon, il est que sur mon PC à l'instant. Là, on l'a pas sous forme papier, quoi, en fait. Ici. Voilà. De toute façon, alors, moi, expliquer ça soit en privé, soit dans votre vie. Parce qu'il y a un peu de famille qui vient chiffre, qui a impacté sur le mais on avait. Peut-être pas. Sinon, il n'y a plus le temps. Il reste jusqu'à vendredi? Non, il reste que ce soir. Ah oui, d'accord. Ça va. Ah non, je vais vous montrer les projets. On a lancé le projet de la chaîne de l'histoire. En fait, ce qui s'est passé, il y a eu des tracks qui ont été faits par le petit plan informel. Que vous avez vu en bas et qui était sérieusement spécifique parce que je savais bien qu'on y signe d'une façon ou d'une autre, donc on a trouvé ça. Et puis ensuite, il y a eu l'idée qu'on pourrait réellement créer un réseau antispéciste. Donc on a créé une liste qui s'appelle Réseau antispéciste sur Internet, sur laquelle maintenant il va y avoir une bonne cinquantaine de personnes, assez diverses en fait. Pas mal de gens que je ne sais pas d'ailleurs. Et une des idées qui ont été lancées sur cette liste là, c'était de faire. Des affiches mensuelles, activités antispécistes, un truc d'information, une affiche murale d'information sur soit des événements, soit des réflexions, des choses marquantes avec un point de vue antispéciste. histoire d'avoir une présence quotidienne, régulière, un peu partout, etc. Puis aussi histoire de redynamiser les antispécistes, parce qu'il y en a plein d'antispécistes, mais c'est une infime minorité qui est militante, parce que c'est chiant d'être militant là-dessus. Et il y a pas mal de gens qui étaient intéressés. Et là, il y a des avant-projets d'affiches que je pourrais montrer en projetant, si on peut projeter à partir d'un Mac. Donc ça, je pourrais aller chercher. Je vais peut-être le faire indépendant, mais ça prendra 5 minutes. Montrer les avant-projets et ce que ça donne. Quoi. C'est une sorte de maquette où on pourrait simplement, de mois en mois, on changerait les textes sur le temps quasiment. Ça serait tout, la maquette serait la même pour qu'il y ait une continuité. Ce serait des textes d'actualité ou juste... Parce que changer de mois en mois, c'est bien si c'est en rapport avec l'actualité. Si c'est juste des textes qui sont encore du temps. Et bien, ça pourrait être un mélange. Mais là, par exemple, les textes qu'on a mis, ils seront plus d'actualité quand on va les coller. Mais c'était le truc sur des gens du PSOE en Espagne qui ont proposé d'octroyer les droits fondamentaux aux grands singes. Il y a un texte là-dessus et il y a un texte sur le langage. On dit toujours que le langage est le propre de l'homme. C'est un des multiples arguments utilisés pour discriminer entre les humains et les animaux. Un petit texte qui dit, ben tiens, on a vu que chez les oiseaux, en fait, il y a des formes très évoluées de langage et qu'on ne peut plus dire ça. Avec des sortes de sous-cultures et des ceci, cela. C'est ce genre de texte, voilà. Mais il n'y a rien de précis, ça peut aussi bien être annoncé à Vigipride que annoncé à telle conférence, débat comme à Limoges là, sur les droits des animaux ou annoncé. Les sons qui vont être laissés passer. Il y a eu le positionnement de Boris Cyrulnik il n'y a pas très longtemps, qui est fondamental, parce que c'est un article qui est vachement médiatisé, mais dans le monde de l'humain. Il a parlé justement du langage, il a parlé du mal. Et c'est vachement intéressant que des mecs comme ça se positionnent. Communication. Ouais, Cyrulnik, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un sujet qui l'intéresse. Parce qu'il est éthologue aussi. Ouais, voilà. Mais c'est moins connu, on connaît plus pour la résilience et tout ce truc. Il a publié un énorme bouquin qui s'appelle Si les lions pouvaient parler, qui est un recueil d'articles, mais qui est énorme. Il y a au moins une cinquantaine d'articles différents, d'auteurs différents. Il fait un travail énorme, si on peut être d'accord ou pas sur cette position, en attendant qu'un type de cette envergure se positionne sur la pensée et le langage animal, ça va faire réfléchir certaines personnes, c'est pas mal. Parce qu'il y a une crédibilité. Pourquoi il y a un débat sur le fait que les animaux ont un langage ? C'est un des arguments de certains milieux scientifiques, quoi, pour dire que ça différencie les humains. Il s'agit de la hiérarchie, mais c'est pas un langage, c'est la communication des sons. Non, mais c'est pas ça, justement. Les animaux, non. Ils n'ont pas de concept, alors c'est des signes, c'est pas des signifiés. Là, après, ils vont dire c'est des signifiés, mais c'est pas des signifiés articulés entre eux. Voilà. Et alors, ils ont exclu les bébés jusqu'à 7 ans, après les gens qui n'ont pas le bac. En fait, il y a Sylvain qui a amené. Welcome. Mais elle avait l'hypothérapie. raison, c'est que si, c'est plus logique. Parce que thérapeute, c'est une racine grecque, et c'est logique de mettre une autre racine grecque avant, en fait. Alors que équithérapeute, c'est une racine latine avec une racine grecque. Waouh. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Ça, c'est comme les... Coller les étranges. On peut pas faire le mix. Théoriquement, non. Si tu demandes à l'Académie française, ils vont me dire que non. Y'a qu'à pas leur demander. Est-ce que vous avez le sentiment aussi qu'en ce moment, il y a de plus en plus une, de partout comme ça, sous plein de formes, une prise de conscience de se poser simplement la question de la conscience animale? Moi j'ai l'impression. Est-ce que c'est juste parce que c'est. Enfin, moi je suis dans la petite tête. Mais où est-ce qu'il y aurait un mouvement de réflexion profonde qui se fait sous plein de... En science, oui, c'est clair. Donc dans la société aussi, puisque c'est lié. Moi, je crois qu'il y a aucun doute. Hein. Mais tu vois, l'histoire des études sur les grands singes, oui. Qu'est-ce qu'ils auraient de similaire, etc. Oui. Mais on le revoit dans les revues, genre Philosophie Magazine, Sciences Humaines, tout ça, il y a des dossiers, que ce soit des dossiers spécifiques animaux ou des dossiers sur le langage. Et maintenant, il n'y a pas des articles sur le langage, sans qu'il y ait les langages animaux, la continuité entre le langage animal et le langage humain, enfin voilà, la conscience, pareil, conscience animale. Ils abordent plus les sujets qui étaient considérés des sujets de sciences humaines auparavant, comme le langage, la conscience, conscience de soi, tout ça, sans l'aborder en fait dans la continuité homme-animal, quoi, et de savoir, soit pour distinguer qu'est-ce qui distingue le langage ou la conscience humaine de celle de l'animal. Mais c'est de plus en plus souvent, maintenant, la thèse inverse, c'est ouais, il y a une continuité, donc c'est dur de trouver une barrière. Mais qu'est-ce qui peut arriver à distinguer quand même? On en trouve toujours quelque chose à la fin, mais... ah oui, alors que c'est de la science humaine. Sur plus d'articles, de vulgarisation de base, par exemple, sur les mœurs des animaux, tu vois, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. Tu vois, des articles dans Paris, là, je crois que le truc à la con sur le fait que les hippocampes, c'est les mâles qui portent des bébés, des choses comme ça. Bon, les bonobos, c'était tout un truc sur la sexualité, l'homosexualité, justement. Et je trouve ça vachement intéressant parce que c'est des réflexions de fou qui viennent vraiment, mais vous voyez pas toute la vie, mais voilà, mais sur la notion de révolution. Ouais. Enfin, je sais pas, c'était ça le ton de ton travail, de la spécifique. Non, je crois pas. En tout cas, c'est pas loin. Je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience sur les fondements de notre société, qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est... Alors, excuse-moi, ça me rassure de vous entendre, parce que j'ai l'impression que c'est moi qui délivre. Et... Non, c'est clair, il y a un gros mouvement d'intérêt. Et on regarde de plus en plus, l'animal pour lui-même, quoi. Alors que pendant vraiment très longtemps, c'était regarder l'animal pour voir la différence avec les humains, quoi. Là, vraiment, il y a des choses. Oui, mais si vous voulez, des politiciens par rapport à ça. Des politiciens, je vous parle de son mythologie et tout ça. Mais ça veut dire qu'il y a un courant qui fait tout ce qu'il peut pour justement stigmatiser cette différence en animal. Je dis que des expériences qui sont faites sur des animaux font que si un animal réagit aussi, alors un humain ne peut plus réagir autrement tant qu'on veut. Enfin, maintenant ça ne fonctionne plus comme ça, mais c'est qu'il y a encore quelques temps, il y avait un mode de pensée d'éthologie ou scientifique comme ça. Et puisque les animaux le font, alors ils ne sont pas comme ça. Mais apparemment, ils se connaissaient de partout, Philippe, tu dis qui? Non, tu dis le Philippe. Vivi. Boris? Oui. Des choses qui m'énervent. Non, pour la mythologie. C'est vrai. Non, c'est un dieu, c'est là. Je sais plus, peut-être bien. Castanet. Non, on avait essayé. Je suis pas sûr. On en a parlé il y a une année. Mais oui, ça vaut le coup. Ben, oui. Moi, je vais en bouger. Même s'il vient pas, au moins qu'il sache que ça existe. Ça. C'est vrai qu'elle se sorte de haine viscérale pour l'antisémitisme, un truc elle écrit dans des articles, mais des torrents de romans presque. C'est incroyable. On a l'impression qu'on a essayé de marcher sur ces plateformes. C'est un peu le cas. On arrête là peut-être sur le. Pardon, je veux dire. Sur... Oui. Sur aussi le silence. Toi que c'est elle. Ah oui, c'est ce qu'elle écrit sur. Lui, ça n'a rien à voir que ce bon intérêt. Non, c'est parce que ce qu'elle écrit, c'est ça. Mais sur l'aspect abolition, on n'arrête pas du tout là. Pour le, je veux dire, sur le, pour les films, il y avait le film d'hier qu'on n'a pas vu, puis le nôtre ce soir, on n'est pas obligé de tout voir, c'est pas parce que c'est le programme que. Bon. En fait, je me pose la question, je me dis si jamais on fait un peu comme hier, en fait, on ne va pas les voir non plus ce soir. Est-ce qu'on fait une diffusion avant de dîner, ce qui empêche encore ceux qui cuisinent, c'est-à-dire moi qui fais le taboulot, de les voir. Mais moi j'ai déjà vu, donc ça va, tout va bien. Est-ce que ça vous va? Alors, en fait, parce qu'il y en a deux, il y en a qui dure je crois, un bon quart d'heure. Donc je peux le mettre maintenant ou dans un quart d'heure si vous voulez chercher une boisson ou autre. Oui, mais je pense qu'en fait, si jamais on attend après le dîner, on va pas le voir. On va faire une pause, Antoine, parce qu'on va pas venir. C'est ce que je viens de dire là, le temps qu'on aille se chercher à boire. J'ai fait plus cher. Non, je prenais en compte. Mais moi j'ai envie de faire pipi surtout. Donc ça vous dit, je mets le premier puis on verra après, hein, voilà. Ouais, dans un quart d'heure alors. Je vous dis quand ça commence. Dans un quart d'heure, ça vous va? Ouais. Et le tabouret, Antoine. Oui. Tout près, tu fais verser de l'eau. Oui.